بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، موعدنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى مع حديث جامع من سيد المرسلين وإمام الأنبياء والمتقين، أعني به محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أخرج أحمد والترمذي من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث أيها الإخوة المباركون هو عبارة عن وصية جامعة لحقوق الله تبارك وتعالى ولحقوق عباده، فهي مفتتحة بوصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، ومختتمة بأن يتحلى الإنسان بحسن الخلق. فأوله قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله. وهذه الكلمة لطالما نسمعها ولطالما يكررها أو تكررها الألسنة، ولقلما يوجد في الناس من يمتثلها، ولقلما يوجد في الناس من يفهم معناها. فما هي التقوى؟ التقوى أيها الأخيار مصدر اتقى، يتقي، اتقي اتقاء وتقوى، أو اسم مصدر إن شئتم. والمقصود اللغوي هو اتخاذ الوقاية، اتخاذ الوقاية. الوقاية من ماذا؟ قال العلماء: التقوى أن يتخذ العبد وقاية من عذاب الله ومن غضبه وسخطه سبحانه وتعالى. بماذا؟ بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا معنى التقوى المعروف عند أهل العلم. ولكثير من السلف تعريفات عديدة في كلمة التقوى، منها ومن أحسن ما قيل في تعريفها ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بنور من الله، أو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، تخاف عقاب الله. فالمتقي هو الذي يخشى غضب ربه عز وجل، ويخشى أن يعذبه ربه سبحانه، ولا يكتفي بذلك فحسب، بل يسعى جاهدا في الإكثار من الخيرات وفي أن يجتنب المحرمات، فهكذا فقط يبلغ درجة التقوى. والتقوى أوصى الله تبارك وتعالى بها الأولين والآخرين من خلقه، فقال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكم تكررت في كتاب الله تبارك وتعالى هذه الوصية. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيها: أي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يشكر فلا يكفر. وكما قلنا اختلفت كلمة المفسرين في تعيين مراد هذه الكلمة، وكلها تدور حول معنى واحد. وكانت عادة السلف رحمة الله عليهم أن يتواصوا فيما بينهم بالتقوى، فكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أحد إخوته رسالة ذكر فيها: أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. اسمعوا جيدا: فإن الواعظين بها كثير، وإن العاملين بها قليل. فإن الواعظين بها كثير، كثير من الناس ممن هو أهل لذلك وممن هو أبعد الناس عنها، قد يصعد المنابر ويشير ببنانه إلى الناس قائلا لهم اتقوا الله، فالناس كثر يقولونها ويوصون بها، ولكن قل من يعمل بها، قل من يعمل بها. ذكر ابن رجب رحمه الله أنه كان عمر رضي الله عنه جالسا مع بعض أصحابه، فأخذ بعضهم يثنون عليه خيرا، فخشي أحد الحاضرين أن يجد عمر في نفسه من ذلك شيئا من العجب، فقام وقال: يا عمر اتق الله. فقال أحد الحاضرين ممن كان يثني على عمر: من أنت حتى توصي عمر بالتقوى؟ ألا تدري من هو هذا الرجل؟ فقال عمر: اسكت، نعم الناس من يقولها وبئس الناس من يرفضها، نعم الناس من يقولها وبئس الناس من يرفضها. وأنت والله أحيانا تجد نفسك توصي غيرك من إخوتك المسلمين بالتقوى، وإذا حالهم كما حكى الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم. إذا وجدت أحدا على المعصية وأردت له الخير وأوصيته بالتقوى، إذا بالعزة تأخذه وتتسيطر عليه، وإذا بأوداجه تنتفخ، وإذا بعينيه تحمر وكاد أن يقفز عليك يريد قتلك. من أنت حتى تأمرني بالتقوى؟ أأنت أتقى مني؟ وما إلى ذلك مما نسمعه من هؤلاء. فالوصية بالتقوى أمر مهم، وهي داخلة في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنعم الناس من يقولها وبئس الناس من يطردها. Mes frères, deux secondes avant le début de la traduction, juste un message pour les sœurs au cas où l'une d'entre elles veut aller faire ses ablutions, elle peut s'y rendre tout de suite. Mes frères, ensemble, inshallah, nous allons essayer de comprendre un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois de plus, nous montre son éloquence et sa capacité à transmettre dans des phrases très courtes de nombreux messages. Ce hadith, il est rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi d'après Abu Dharr et Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma. Le prophète il nous dit dans ce hadith alayhi salatu wassalam, crains Allah où que tu te trouves et fais suivre le péché par une bonne action, elle l'effacera. Et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. On retrouve, mes frères, dans cette recommandation en or, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les droits de ses serviteurs. Cette recommandation, mes frères, elle commence par Ra'sul Amr. Elle commence par l'élément, bien entendu, le plus important. On entend le prophète dire, alayhi salatu wassalam, crains Allah. Combien de fois, mes frères, on entend cette parole? Ittaqillah. Crains Allah. Mais qui, parmi nous, la met en pratique? Qui, parmi nous, avant de la mettre en pratique, comprend son sens? Le verbe ittaqa, mes frères, en arabe, veut dire prendre une protection. Faire de quelque chose une protection qui me protégera donc d'une chose que je crains. De quoi s'agit-il alors? Il s'agit de mettre entre soi-même et entre la colère d'Allah, entre son mécontentement et entre son châtiment, une protection. Tu mets entre toi et le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala une protection. Comment est-elle? En accomplissant ce qu'il t'a ordonné et en t'écartant de ce qu'il t'a interdit. C'est la définition générale qu'on trouve chez les savants concernant ce terme. Crains Allah, at-taqwa. Ça se définit assez sommairement par la crainte, mais bien entendu le sens est plus subtil. Ensuite, lorsqu'on jette un coup d'œil chez les pieux prédécesseurs, on trouve de différentes définitions de cette appellation, de ce terme-là. Elles diffèrent dans les termes qu'elles contiennent, mais elles tournent toutes autour d'un même sens. Parmi les meilleures définitions qu'on puisse trouver, celle que Talq ibn Habib, rahimahullah, a dit, at-taqwa, c'est que tu agisses avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ? Sur une lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire avec science. Et quel est ton objectif dans l'accomplissement de l'obéissance d'Allah ta'ala avec science? Tu espères la récompense d'Allah azza wa jal. Et que tu t'écartes de ce qu'Allah ta'ala a interdit. Et que tu t'écartes de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala avec science. Pourquoi? Quel est ton objectif? Tu crains le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette recommandation, mes frères, est la recommandation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait aux peuples qui nous ont précédés. Au premier et au dernier, Allah dans le Coran dit, et nous avons certes recommandé aux gens du livre avant vous et à vous-même, craignez Allah. Mettez entre vous et son châtiment une protection en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdictions. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran à de nombreuses reprises, ô vous qui avez cru, craignez Allah. Par exemple, le verset où Allah Ta'ala dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se le doit. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il interprète ce verset en disant, craindre Allah comme il se le doit, c'est trois choses. Lui obéir, ne pas lui désobéir. L'évoquer ne pas l'oublier, le remercier ou bien lui exprimer notre gratitude et ne pas être ingrat. Ne pas être ingrat. Les pieux prédécesseurs, ces hommes dont nous nous devons de suivre et que nous devons prendre comme exemple, se recommandaient mutuellement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, Omar ibn Abd al-Aziz rahimahullah a écrit une lettre à un de ses frères. Il a mis en intitulé de la lettre: « Ô mon frère, je te recommande de craindre Allah. Je te recommande à la taqwa, celle que seul Allah accepte. Celle où seulement Allah y fait miséricorde à ceux qui la mettent en pratique. Celle avec laquelle il récompense ceux qui la pratiquent. Écoute la fin de la parole et sache que ceux qui la recommandent sont très nombreux, mais que ceux qui la mettent en pratique sont très peu. » On entend souvent dans les mosquées ou ailleurs un nombre incalculable de gens qui disent à tout va: crains Allah, crains Allah. On trouve des gens qui montent sur les minbars, sur les chairs, qu'ils soient dignes de cela ou non, et qui pointent du doigt vers l'assemblée en disant: craignez Allah. Donc les gens qui le disent sont très nombreux. Mais où sont ceux qui la mettent en pratique? Où sont ceux que lorsqu'on leur dit crains Allah, tu vois les gouttes de sueur telles des perles déambuler sur ses tempes, et tu vois son rythme cardiaque accéléré? C'est comme si tu lui avais annoncé qu'une bombe avait explosé chez toi. Aujourd'hui, on dit aux gens ittaqillah pour tout et n'importe quoi, à un point où malheureusement c'est devenu une parole comme une autre chez certains. Quant à d'autres, lorsqu'on leur dit ittaqillah, c'est l'effet inverse. Tu vois ses veines gonflées, tu vois ses yeux devenir rouges, tu vois sa poitrine se gonfler aussi. Et il te dit quoi? Toi, tu me dis à moi de craindre Allah? Qui es-tu? Est-ce que tu crains plus Allah que moi? Et dans ce genre de personnes, on reconnaît ce qu'Allah Ta'ala a décrit dans le Coran. Et lorsqu'on lui dit crains Allah, son orgueil l'emporte sur son péché. Son orgueil l'emporte sur son péché. Quel est son gîte? Quel est son devenir? فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ. Son gîte sera l'enfer, وَلَا بِئْسَ الْمِهَادِ. Et quel détestable lit. Une fois, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il était avec certains de ses compagnons. Et parmi eux se trouvaient des personnes qui exagéraient dans les éloges qu'ils faisaient à Omar, radiyallahu anhu. Alors il y avait une personne qui était présente et dont la situation le déplaisait. Et il craignait pour Omar qu'à force qu'on lui fasse des éloges, il soit touché par l'ujb, yani le fait de se plaire soi-même. Ah, les gens, ils m'aiment bien, les gens parlent bien de moi. Masha'Allah. Alors, pour le rappeler à l'ordre, il se levait, il lui a dit: oh, Omar, crains Allah. Alors, un de ceux qui étaient présents en train de faire les éloges de Omar abusivement, il a dit: qui es-tu, toi, pour ordonner à Omar, le commandeur des croyants, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui a des mérites et des privilèges que tout le monde connaît? Comment oses-tu, toi, lui dire à lui, crains Allah? Alors Omar, radiyallahu anhu, il lui a dit: tais-toi, laisse-le dire. Quels meilleurs gens ceux qui la disent, et quels détestables gens ceux qui la refusent. Et quels détestables gens ceux qui la refusent. La meilleure des recommandations que tu puisses faire à tes proches, à tes frères, à ta famille, c'est crains Allah. Crains Allah. ولا يقف ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. أنت في فرنسا اتق الله, أنت في إسبانيا اتق الله, أنت في المغرب اتق الله, أنت في تحت الأرض اتق الله, أنت في الفضاء اتق الله, أنت مع الناس اتق الله، أنت بمفردك اتق الله، اتق الله حيثما كنت، ولا تنسى أن الله تبارك وتعالى قال أينما تكونوا يأتكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما يدرككم، نعم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني أينما تكون، وإن ركبت صاروخا وصعدت به إلى الفضاء واستقررت في كوكب من الكواكب ليس فيه معك أحد فاتق الله فيه، ولا تنسى أن ملك الموت موكل بقبض روحك أينما تكون، فلا تحقرن من المعروف شيئا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، تقرب إلى الله تبارك وتعالى بفعل الخيرات وبترك المنكرات وبحب المساكين، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالازدياد من العلم وبدعائه سبحانه أن يوفقك للعمل به، تقرب إلى الله سبحانه بتقواه. فلقد جاء أحد الرجال إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال له يا أبا هريرة ما هي التقوى؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه أرأيت لو سلكت سبيلا ذا شوك كيف أنت فاعل؟ فقال الرجل سأحذر أين أضع قدمي لئلا أتضرر بالشوك. فقال فكذلك التقوى، احذر أين تضع قدميك، هل هي في طاعة الله أو في معصية الله. ومن ذلك أنشد ابن المعتز رحمه الله أبياتا قال فيها خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبل من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبل من الحصى. إذا وقعت في معصية ما يأتيك شيطانك يوحي إليك هذا أمر هين لا يؤاخذك الله به فينسيك إياها ويجعلك تتغافل عن استغفارها فتتركها وقد فعلا تراها هينة وهي عند الله عظيم، تراها هينة وهي عند الله عظيم. وقد جاء في الأثر الصحيح أن المؤمن يرى ذنبه كجبل يوشك أن يقع عليه، كأن هذا الذنب الذي أبرزت به ربك عز وجل كأنه جبل موقوف فوق رأسك كاد أن يسقط عليك. والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه ففعل بيده هكذا فطار، يعني لا قيمة له ولا حرج، كما يقولون الله غفور رحيم، الله يغفر الذنوب، الجنة واسعة، الجنة واسعة نعم، ولكن أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المتقين. فاتق الله تعالى في السر والعلن، اتق الله تبارك وتعالى في السر والعلن، اتق الله تبارك وتعالى في باطنك قبل ظاهرك، اتق الله سبحانه وتعالى في مفردك تحت سقف بيتك، وإذا كنت خارج البيت مع الناس تحلى بالتقوى وأمر أهلك يأخذ بها أو يأخذون بها، وكذلك كان الصالحون من قبلنا يوصون أهليهم بها ويتواصون بها، كما كانت هذه المرأة تقول لزوجها إذا خرج من البيت لأجل الحصول على رزق تقول له هذه المرأة الصالحة وهي ممسكة ولدها في يديها تقول يا عبد الله اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا بالحلال أو إلا من الحلال فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار فأين هؤلاء النساء التي تقف على باب بيوتهن وهن يوصين أزواجهن بالتقوى وأين هؤلاء الرجال الذين يخرجون من بيوتهم وهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى ينظر إليهم ويسمعهم ويعلم ما في باطنهم أين هم Mes frères, la recommandation de la piété s'élargit dans son contexte. Le prophète il dit, alayhi salatu wassalam, crains Allah où que tu te trouves, où que tu sois, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu sois en France, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en Espagne, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es dans le Maghreb, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu pouvais monter dans une fusée et aller dans l'espace, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu te trouves en présence des gens, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu sois tout seul chez toi, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Crains-le en mettant entre toi et son châtiment une protection. Et ne pense pas que lorsque les yeux des gens s'éloignent de toi, tu te retrouves réellement seul. Non. Il y a un homme qui est venu voir Abu Huraira radiallahu anhu et lui a dit, « Ya Abu Huraira, qu'est-ce que la piété, qu'est-ce que la taqwa ?» Alors Abu Huraira radiallahu anhu a voulu lui faire comprendre. Il lui a dit, « Imagine-toi, tu entreprends un chemin dans lequel se trouvent des épines. Qu'est-ce que tu ferais ?» Alors l'homme y répond, « Je ferai attention où je mets les pieds afin de ne pas être piqué. » Alors Abu Huraira radiallahu anhu l'a fait comme ça, taqwa. La taqwa, tu fais attention où tu mets les pieds afin de ne pas être touché par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fonction de cette parole pleine de sagesse, pieux prédécesseur du nom d'Ibn al-Mu'taz rahimahullah, il a dit, délaisse les péchés, qu'ils soient petits ou grands, c'est ça la piété. Délaisse les péchés, qu'ils soient petits ou grands, c'est ça la piété. Et agis comme une personne qui marche sur un chemin où il y a des épines, il fait attention où il met les pieds. Il fait attention à ce qu'il regarde. Ne dénigre rien dans les bonnes actions. Du moins, ne dénigre rien dans les péchés. Car les montagnes sont faites de cailloux. Les montagnes sont faites de cailloux. Des fois, on est entre nous et on voit de nos yeux des personnes qui nous entourent et qu'on voit souvent désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, soit cette personne a eu un moment d'insouciance ou soit elle a dénigré l'importance de ce péché. Elle a pu recevoir les suggestions sataniques de son démon qui lui dit « C'est pas grave, ce n'est qu'une chose infime qui n'a pas d'importance. Allah y pardonne. Le paradis, il est vaste. Le paradis, il est large. » C'est vrai, le paradis, il est large. C'est vrai, le paradis, il est vaste. Mais il est pour les pieux. Il est pour ceux qui ont concrétisé à taqwa. Ceux-là, à eux, Allah y pardonne lorsqu'ils ont des moments de faiblesse, comme on va le voir, inshallah. Ceux-là, pour eux, le paradis est préparé. Quant à nous, on doit prendre exemple sur nos deux prédécesseurs et se recommander les uns les autres la piété et ne pas dénigrer les péchés quels qu'ils soient. Ne pas se dire que les péchés qu'on fait n'ont pas de poids, n'ont pas d'importance. Ne dénigre pas le mal, car les montagnes sont faites de petits cailloux. Les plus prédécesseurs se recommandaient les uns les autres la piété et les recommander à leur famille. Et se les recommander les uns les autres au sein de la même famille. Comme il a été rapporté de la part de cette femme. Une femme pieuse qui accompagne son mari jusqu'à ce qu'il sorte de la maison. Pourquoi sort-il ? Afin de ramasser et de réunir une subsistance licite pour que sa famille puisse vivre. Alors, le mari il quitte la maison et s'en éloigne petit à petit, et sa femme l'attend au pied de la porte avec dans ses mains son enfant. Elle lui dit « Ya Abdallah, crains Allah Ta'ala sur nous. Crains Allah Ta'ala envers nous. Et ne nous nourris qu'avec du licite. Car nous pouvons patienter sur la faim. Mais nous ne pouvons pas patienter sur le feu. Le feu de l'enfer, personne ne peut en patienter. Amma la faim, on patiente. Elles sont où les femmes comme ça ? Où elles sont les femmes qui accompagnent leur mari jusqu'à la porte lorsqu'ils vont le matin au travail et qui lui disent ce genre de recommandations ? Et où sont les hommes qui cherchent un travail halal, un travail licite et une subsistance licite afin de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est difficile, même si c'est contraignant. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est d'être loin, loin du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où ils sont ? Où se trouvent-ils ? فكما قلنا الإنسان بطبعه الإنسان بطبعه يمر بمراحل إذا ارتفع إيمانه وقوي كان قادرا على دفع الشبهات والشهوات يدفع الشبهات بالعلم ويدفع الشهوات بالتقوى ولكن أحيانا قد تزل قدمه أحيانا قد تزل قدمه فلذلك كانت الوصية الثانية من هذا الحديث الكريم قوله أو قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وأتبع السيئة الحسنة تمحها فإذا تقيت الله تبارك وتعالى ما استطعت فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم فأحيانا يجد الإنسان نفسه عاجزا وهذا بسبب ضعف إيمانه على أن يتقي الله على أن يتقي الله عز وجل فيقع فيما نهاه الله تبارك وتعالى فحينئذ تذكر عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته على العبد وسيطره وسلطانه سبحانه وتعالى فخاف من عقابه وخاف من عذابه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وتاب إلى الله فإذا تاب واستغفر وأتبع هذه السيئة بحسنة محى الله تبارك وتعالى سيئاته أو محى الله تبارك وتعالى سيئته لقد قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وكلكم تعلمون هذا الحديث العظيم الذي جاء فيه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك فقال عليه الصلاة والسلام فقال الرجل دخلت حائطا أو بستانا محيطا دخلت بستانا محيطا يعني حائطا بستانا أحاط به حائط جدار فوجدت فيه امرأة وجد هذا الرجل في هذا البستان امرأة ففعلت بها ما يفعل الرجل بالمرأة إلا العلاج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد صلوا العصر: أصليت معنا؟ أصليت معنا؟ فقال الرجل: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة، وفي رواية: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس يعني إذا صليت الصبح في وقتها ثم صليت بعدها الظهر ووقع منك خلل وزلل بين الصلاتين، فكونك صليت الثانية بعد الأولى يكفر ما وقع منك من خلل. وكذلك مع بقية الصلوات، وكذلك من الجمعة إلى الجمعة، وكذلك من العمرة إلى العمرة. لذلك نوصي إخوتنا الكرام بالإكثار من هذه العبادة. ووالله نأسف حينما نرى أناسا بلغوا من الكبر عتيا ولهم والحمد لله أموال كافية، تراهم يذهبون ويرجعون بين فرنسا وبلدهم الأصلي كل شهرين أو كل شهر. يا عم يا خال، لقد اقترب أجلك، فالإنسان لا يخلد في هذه الدنيا. فإذا رأيت لحيتك قد ابيضت، وإذا رأيت ظهرك قد احدودب، فابذل كل ما لديك للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو المشكلة لو تركت رحلة كنت قد أعددتها لأجل أن تذهب بدلها إلى البقاع المقدسة لتطوف بالكعبة ولترفع يديك أمام المقام ولتسعى بين الصفا والمروة ولأجل أن تصلي في المسجد النبوي وأن تزوره أو أن تزور صاحبه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن تصلي ركعتين في مسجد قباء؟ ما المانع؟ عندك وقت وعندك مال وليس عندك عمر كاف. فلو عشت 1000 سنة يأتيك الموت، يأتيك الموت ولا بد. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه في الغيب وهو لا يدري. فمن عاش 1000 أو 2000 فلا بد من يوم يصير إلى القبر. فالحياة مهما عظمت فهي حقيرة، ومهما طالت فهي قصيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمر أمتي لا يجاوز 60، عمر أمتي لا يجاوز 60. فيا عم ويا خال، يا من بلغ عمره 60 أو فوقها، اتق الله. فكم وقعت في معصية، وكم وقعت في مخالفة، وكم أبرزت الله تبارك وتعالى بالمعصية، ولديك وقت ولديك مال، فاشتري تذكرة واركب طائرة وتوجه إلى البقاع المقدسة واعتمر لله تبارك وتعالى واتبع العمرة بالعمرة ما استطعت إلى ذلك سبيلا وسوف ترى إن شاء الله صحيفتك يوم القيامة بيضاء بيضاء نقية كأنك ولدت ومت على الحال واتبع السيئة الحسنة تمحها أيها الأخ الكريم إذا عصيت الله تبارك وتعالى فتب إليه توبة نصوحة تب إلى ربك ولا تكتفي بهذا ولكن اندم على ما فعلت واعزم على أن لا تعود اعزم على أن لا تعود وأتبع هذه السيئة بالحسنة وسوف يمحوها الله تبارك وتعالى بل ربما يبدلها الله لك حسنات لا يمحوها يبدلها الله لك حسنات وهذا لمن؟ للتائبين الصادقين الصالحين قال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما فإما أن تعصي الله تعالى وتستغفر إليه وتستغفره وتتوب إليه وتتبع هذه السيئة بحسنة فيمحوها الله تبارك وتعالى وإما أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة صادقة صحيحة تجعلك أحسن مما كنت من قبل وتجعلك كلما تذكرتها تصدقت بمالك على فقير أو توضأت لأجل أن تؤدي ركعتين أو أخذت المصحف فقرأت فيه ما استطعت أو قمت في الليل في الدجى والناس نائمون فحينئذ يبدل الله لك سيئاتك فيجعلها حسنات فأي فضل أعظم من هذا أي خير أحسن من هذا لا والله ليس هناك شيء أعظم وأحسن وأجل من ذلك فلله الحمد والمنة مفخير ensuite On se doit, comme en tant qu'être humain, l'être humain, il passe dans sa vie de nombreuses étapes, notamment lorsqu'il est croyant, bien entendu. Il lui arrive des fois à ce que sa foi soit élevée et forte, ce qui l'aide, avec l'aide d'Allah, bien entendu, subhanahu wa ta'ala, à respecter cette crainte et à mettre entre lui et son châtiment une protection. Mais des fois, comme vous le savez, la foi de l'être humain baisse. Et par quoi baisse-t-elle ? Par les péchés. Elle baisse, mes frères, par les péchés. Alors, en tant qu'être humain, lorsqu'on est comme on est dans notre nature, tenté par les passions et par les désirs, et des fois, il nous arrive, d'ailleurs la plupart du temps, il nous arrive de les suivre, on a une solution. On a un échappatoire. Et c'est la deuxième partie de cette recommandation du prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsque tu fais un péché, fais-le suivre par une bonne action, ça l'effacera. Ça l'effacera. Lorsque tu fais un péché, mon frère, repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala et implore son pardon. Et fais sur le coup, ou bien dans les plus brefs délais, une bonne action pour effacer la mauvaise. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'effacera. Allah dans le Coran, il dit, acquitte-toi de la prière au début de la journée. Yani, au zawal, au zénith, après que le soleil ait passé la moitié de sa course. Wa zulafan min al-layl. Et lorsque la nuit est noire, yani l'Isha, fait la prière al-hasil à ses heures connues. Certes, les bonnes actions font partir les mauvaises. Certes, les bonnes actions font partir les mauvaises. Et c'est certes un rappel pour ceux qui se rappellent. Lorsque tu fais une bonne action, après que tu aies désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, cette bonne action aura comme résultat d'effacer la mauvaise qui l'a précédée. Vous connaissez tous le hadith où un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il était alarmé, il était apeuré, il était angoissé. Il a dit, ya Rasulallah, je suis perdu. Alors le prophète, il lui a dit, alayhi salatu wassalam, comment cela? L'homme, il lui a dit, ya Rasulallah, je suis entré dans un jardin emmuré. Un jardin emmuré. Il n'y avait pas de plafond, mais il était entouré de murs. Et j'y ai trouvé une femme. J'ai fait avec cette femme ce qu'un homme fait avec une femme. Sans faire le grand péché de la fornication, ni la pénétration. Alors le prophète, il lui répond, alayhi salatu wassalam, tu aurais dit quoi toi? Un frère que tu connais, il vient te voir et te dit, j'ai vu une femme et j'ai fait avec elle ce qu'un homme fait avec une femme. Tu aurais dit, a'udhu billah, va-t'en, ne reste pas avec moi. Qui es-tu? Que veux-tu? Que la colère d'Allah soit sur toi. Tu es une bien mauvaise personne, je pense, c'est des meilleurs. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah il n'a pas dit de lui que c'était une rahma pour les mondes, pour rien. Le prophète, il lui a répondu, alayhi salatu wassalam, et il venait de faire la prière de l'Asr en groupe. As-tu prié avec nous? Est-ce que tu as prié avec nous? L'ami répond, oui, ya Rasulallah. Alors le prophète, il lui dit, les bonnes actions font partir les mauvaises. Les bonnes actions font partir les mauvaises. Ne va pas croire, mon frère, que tu as une permission de désobéir à Allah. Non. Cet homme-là, il est venu avec un cœur rongé par le remords, avec un cœur calciné par le feu du péché. Il a eu peur. Il se voyait déjà dans les feux, dans les flammes de l'enfer. Ce n'est pas pour toi une permission de désobéir à Allah Ta'ala. Non, ce n'est pas ça qu'on veut te faire comprendre. Ce qu'on veut comprendre, c'est que quand tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu te repens à lui, que tu regrettes amèrement ce péché et que tu reviens vers lui, en faisant une bonne action, Allah il t'efface cette mauvaise action. Le prophète dit dans le hadith, alayhi salatu wassalam, les cinq prières obligatoires, et du vendredi à l'autre vendredi, et de la umrah à l'autre, d'une umrah à l'autre, et dans une version du hadith, et d'un ramadan à l'autre, toutes ces choses-là effacent les péchés les unes entre les autres. Tant qu'on s'écarte des grands péchés, tant qu'on évite les grands péchés. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمْ. Ceux qui évitent les grands péchés. إِلَّا اللَّمَمْ قَالَ الْعُلَمَاء. As-sara'ir, les petits péchés, là. Yani le croyant, comme dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, Allah il lui pardonne ses péchés tant qu'il évite les grands péchés. Allah tabaraka wa ta'ala, il te pardonne lorsque tu fais subh à l'heure comme il le convient, et que tu fais des péchés entre subh et dhuhr, et que après tu fais dhuhr, et ben les péchés que tu as fait entre les deux prières, Allah il te les pardonne. Et ainsi de suite entre chaque prière. Et d'un vendredi à l'autre, lorsque tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu fais des petits péchés entre deux vendredis, et bien un vendredi après l'autre, efface ce qu'il y a comme péché entre les deux. Et d'une umrah à l'autre, le petit pèlerinage, une sahab ta'bir, la umrah, mes frères, celui qui fait des umrah, yani de façon consécutive, Allah lui pardonne les péchés qui se trouvent entre les deux. Et là j'en profite pour faire un conseil à mes frères aînés, que j'appellerai mes oncles par signe de respect, des personnes qui ont, pour certains d'entre eux, la retraite, pour d'autres la validité, pour d'autres qui ne travaillent pas, certaines personnes qui, lorsqu'elles ont du temps et que leurs enfants ont grandi, et qu'ils se sont mariés, qu'ils ont laissé à la maison, ils passent leur temps à faire des allers et des retours entre la France et leur pays natal. Ils y vont un mois, ils reviennent deux semaines, ils repartent deux mois, ils reviennent trois semaines et ainsi de suite. Oh mon oncle, pourquoi ne prends-tu pas cet argent que tu possèdes pour acheter un billet et aller dans les terres, à la Terre Sainte, à Mecca? Ne veux-tu pas revêtir l'habit de l'Ihram et faire la circumambulation autour de la Kaaba? Ne veux-tu pas courir entre Safa et Marwa? Ne veux-tu pas chanter « Labbaik Allahumma Labbaik » Ne veux-tu pas lever tes mains devant le maqam de Ibrahim et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Ne veux-tu pas tenter de toucher la pierre noire ou de l'embrasser? Ne veux-tu pas essayer d'aller dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam pour y prier et visiter son tombeau, le passé, le salam? Ne veux-tu pas aller à la mosquée de Quba pour y prier rak'atayn? Pourquoi tu ne fais pas ça une fois par an ou bien une fois tous les deux ans? Si tu peux, tu as du temps, tu as de l'argent, mais tu n'es pas immortel. D'accord, tu as un certain âge. Mais dis-toi mon frère, dis-toi mon oncle, que peut-être tu es plus proche de la mort que ceux qui t'entourent. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, dans le hadith, l'âge de ma communauté, ou bien des membres de ma communauté, ne dépasse pas les 60 ans. Et ça, c'est à la sabil al-aghlabiyya, en général. Même si tu as plus de 60 ans, tu as 70 ou 80, tu mourras. Tu mourras. Ne sens-tu pas la faiblesse dans tes côtes? N'as-tu pas ta barbe? N'as-tu pas vu ta barbe devenir blanche? N'as-tu pas vu ton dos se courber? N'as-tu pas du mal le matin à te lever? N'as-tu pas vu tes dents tomber? N'as-tu pas vu tes cheveux ne plus pousser? Tout ceci sont des signes. Tout ceci sont des signes. Alors, d'accord, tu vas voir ta famille au bled, c'est bien, mais une fois par an, une fois tous les deux ans, une fois tous les trois ans, yallah, prends 1000 euros, prends 2000 euros et va faire une umrah. Et si Allah te prête encore de la vie, retourne-y et fais le plus d'actions bonnes possibles et écarte-toi au plus des péchés. Et lorsque tu fais des péchés, remplace-les par fais-les suivre par des bonnes actions. Et à tous les frères en général et à moi en premier, lorsqu'on est touché par une insouciance et une négligence, lorsque la faiblesse de notre foi nous pousse à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'on se rappelle de ce hadith et qu'on se repente à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on implore son pardon et qu'on fasse suivre ce péché par une bonne action. Tu as regardé une chose qu'Allah t'avait interdit et tu as de l'argent dans la poche, astaghfirullah, un pauvre, tiens, bismillah, fi sabilillah. Tu as parlé sur quelqu'un alors que tu n'avais pas le droit et tu te rappelles de l'interdiction, astaghfirullah, et je me lève, je vais faire l'odo, je fais rak'atayn. Tu as fait du mal à un de tes frères, tu as fait du mal à une de tes sœurs, et tu te rappelles l'interdiction qui pèse sur toi et le châtiment, alors tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu prends un Coran et tu lis le Coran. Et les chemins du bien, walhamdulillah, ils sont nombreux. Les chemins du bien, walhamdulillah, ils sont nombreux. واخيرا اخيرا ايها الاخوه قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم وخالق الناس بخلق حسن اه ثم اه لضياع او لفقدان حسن الخلق في كثير من المسلمين إلا من رحم الله في كثير من المسلمين إلا من رحم الله أليس الله تبارك وتعالى بين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة وقدوة ونعم الأسوة والقدوة قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال سبحانه وتعالى يصف نبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم فلقد اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه عند الأعداء قبل الأولياء فلقد كذبه قومه ولقد حاربوه ولكن ما قال فيه أحد أن محمدا سيء الخلق أبدا أبدا. أليس الرسول لك قدوة؟ أليس الرسول لك إسوة؟ فلماذا ساءت أخلاقك وكملت أخلاقه عليه الصلاة والسلام؟ ولقد تعددت وتكاثرت الأحاديث الصحيحة في فضل حسن الخلق، في فضل حسن الخلق، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الخلق الحسن أو إن المؤمن ليبلغ بالخلق الحسن درجة الصائمين والقائمين. إن المؤمن ليبلغ بخلقه الحسن درجات الصائمين والقائمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلى الله وأقربكم إليه منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على فضل الخلق الحسن. فما هو الخلق الحسن؟ ما هو الخلق الحسن؟ ينسب إلى عبد الله بن المبارك، ومنهم من ينسب هذه المقالة إلى الحسن البصري، وأيا كان قالوا الخلق الحسن ثلاثة أشياء: بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. بذل الندى معناه كل ما يوجد فيك من خير تبذله لغيرك من الناس، سواء كان كلاما أو إعانة أو مساعدة أو دعوة في ظهر الغيب أو ما أشبه ذلك، بذلته للناس، أي أعطيته بكل قلبك، كل خير موجود فيك بذلته لغيرك. بذل الندى، وقوله كف الأذى، كل شر موجود فيك من كلام سيء ومن ظلم وفحش في القول وعقوق الوالدين أو عقوق للوالدين أو لغيرهم وما أشبهها، أبعدتها عن الناس. فالرجل أو المرأة، يعني المرء حكيم نفسه. ولقد أحسن من قال: رحم الله رجلا عرف قدر نفسه. أنت تعلم كيف نفسك، تعلم ما فيها من الخير وتعلم ما فيها من الشر، فما وجدت فيها من الخير فابذله للناس وخالق الناس، فابذله للناس. إذا استطعت أن تعين أخاك فأعنه، وإذا استطعت أن تتعامل مع الناس معاملة حسنة فافعل، لا تحرم الناس بما فيك من الخير. وكذلك ما وجدت في نفسك من الشر فأبعده عن الناس، لا تظلم الناس، ولا يخرج من كلامك في حقهم كلام سيء، أمسك عليك لسانك. فهذا كما قال أبو بكر رضي الله عنه، أمسك بلسانه وقال: هذا أوردني المهالك. أبو بكر يقولها رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي كان يضع فيه حجرة لأجل أن يتفكر وأن يتنبه لما يريد أن يقوله، فإذا تفكر خلعها وتكلم. هذا أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسانه قائلا هذا أوردني المهالك، يعني قادني إلى المخاطر إلى الخطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أمسك عليك لسانك يا معاذ. فقال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في النار 70 خريفا كلام لا يلقي له بالا، فما بالك بكلام فكر فيه ومعن فيه وفحصه وأخرجه بلسان يجري. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا. فهذا الذي بين لحييك وشفتيك عضو من أخطر الأعضاء، فاتق الله فيما يوجد فيه من الشر وكفه عن الناس، واتق الله تبارك وتعالى به فاتلوا القرآن واذكر الله واقرأ الكتب النافعة واحفظ القرآن والأحاديث، تكلم بالخير وافعل الخير، وكل ما يوجد فيك من خير فابذله للناس، وكل ما يوجد فيك من شر فاصرفه عن الناس. وأخيرا وطلاقة الوجه، طلاقة الوجه أي أن تكون مبتسما، أن تكون ذو بشاشة، أن تكون ذا بشاشة، تضحك إلى إخوانك، تبتسم إليهم، إذا صافحت أحدهم ابتسمت في وجهه، إذا لاقيت أحدهم في الشارع أو في السوق أو في مكان ما لم تقابله بوجه منعبس كأنه أخطر وأشد أعدائك، لا، هذا أخوك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وابتسامك في وجه أخيك صدقة. من منا يجهل هذا؟ إذن لماذا نرى كثيرا من المسلمين لا سيما الشباب الذين يريدون أن يقتدوا بأسلافهم الصالحين، أتظنون أن السلف كانوا أشداء مع الناس؟ كلا والله، فلقد وصفهم غير واحد من العلماء فقال كان السلف رحمهم الله أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. سمعت؟ كان السلف أعلم الناس بالحق، فأين علمك بالحق؟ أين طلبك للعلم؟ أين سهراتك بالليل في قراءة الكتب والبحث عن المسائل والتقرب إلى الله بالازدياد من العلم النافع؟ أين علمك؟ وكانوا رحمهم الله أرحم الناس للخلق، كانوا آية في الرحمة، امتثالا لقول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وانعكست الحال في كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجده شديدا مع أخيه رحيما بعدوه، والعياذ بالله. هذا الذي يصلي بجنبك أخوك فلئن وجدته على مخالفة فأنت لا تعالج ذلك بذاك، كيف تعالج الشر بالشر؟ لا، قال العلماء اسمعوا لهذه الكلمة التي ينبغي أن تكتب بخط الذهب أو بماء الذهب. قال: يجب أن نتعامل مع من عصى الله فينا بطاعة الله فيهم، يجب أن نتعامل مع من عصى الله فينا بطاعة الله فيهم. لا تعص الله في من عصى الله فيك، بل أطع الله في من عصى الله فيك أو في غيرك. أنت لن تعالج هذه القضية بالشدة والعنف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. بارك الله فيكم. وما كان العنف في شيء إلا شانه. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. فهل تأملت هذه الكلمات؟ وهل فكرت في معناها؟ وهل حاولت أن تجعلها منهج حياتك؟ هذا منهاج أيها الإخوة، منهج حياة، وكان هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه الناس يريدون أن يقتلوه، فهو يقابلهم بالتي هي أحسن، فيذهب هذا الذي جاء لقتله وهو ومحمد أحب الناس إليه. فكم وقع مرارا وتكرارا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فاقرأ كتب السيرة، اقرأ كتب السيرة وسوف تراها بعينيك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كما وصفه ربه عز وجل. وأنت أيها الأخ، وأنت أيها الحبيب، وأنت أيتها الأخت، أين رحمتكم بالناس؟ أين رأفتكم بالناس؟ أين حلمكم بالناس؟ الله تعالى يصف عباده الأخيار بقوله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إيش معنى هونا؟ متواضعين، متواضعين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي متواضعين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني إذا جاءك رجل جاهل، وإذا جاءتك امرأة سيئة جاهلة تريد أن تناقشك أو يريد أن يناقشك أو يريد أن يسيء إليك بالقول أو بالفعل، لم تقابل هذه الإساءة بإساءة مثلها، لا، قابلتها بالحسنى وقابلتها بالإحسان. أليس الله تبارك وتعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، قال المفسرون: الكلمة السيئة لا تساوي الكلمة الحسنة أبدا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ادفع بالتي هي أحسن. ما هي الكلمة الحسنة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة، هذا الذي جاء عدو لك يريد إساءتك، إذا رآك تدفع إليه الكلام الحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صار وليا لك وصار من أحب الناس وصرت من أحب الناس إليه وصرت من أحب الناس إليه. وهكذا كان السلف، وقبلهم هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا كان السلف. نعم، أوافق الكثير أو أوافق الجميع أننا إذا تتبعنا الآثار الواردة عن السلف في معاملتهم مع أهل البدع كانوا أشداء معهم. نعم، أوافقك، لكن بارك الله فيك رجل لم يقرأ كتابا قط إلا القرآن ولا يعرف من اللغة العربية إلا القليل تراه على المخالفة ولا تحاول أن تتكلم معه ولا تحاول أن تنصحه ولا تحاول أن تبين له الحق الذي وصلك ولم يصل إليه بل بمجرد رؤيتك إليه حكمت عليه أنه ضال مبتدع وهجرته وأسأت المعاملة معه والله لقد انحرفت عن منهج السلف الصالحين إذا فعلت هكذا والله صحيح ما أقوله لكم هل تريد من الناس أن يعودوا إلى كتاب الله وأن يتمسكوا بسنة رسول الله وأن يقتدوا أثر سلفهم الصالح نعم كلنا نريد ذلك ولكن هناك طرق هناك حكم لا بد أن نتحلى بها حتى نحقق هذا المقصود لا تنسى أيها الأخ أن السلف كانوا أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق فإذا جاءهم الناس ضحكوا إليهم أو ضحكوا معهم وابتسموا إليهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم وابتسامك في وجه أخيك صدقة وطلاقة الوجه لا تكن منعبسا لا يكون وجهك كأنه أصابه الظلمة أو الظلام كأن وجهك أسود بشدة عباسه ما لك وهذا العبوس ما لك وهذه الشدة ما لك ليس هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الأعرابي في المسجد وبال أقام النبي صلى الله عليه وسلم وضربه كلا والله قال لصحابته رضي الله عنهم دعوه خليه يكمل البول في الجماع كيف فعلت أنت لو دخل في المسجد أعرابي أو رجل جاهل لا يعرف شيئا من أحكام المساجد وبال في المسجد كيف أنت فاعل معه وآخر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا كلكم تعرفون هذا الحديث فهم الصحابة به أرادوا أن يقوموا إليه ليضربوه فقال صلى الله عليه وسلم اتركوه يا أخي يا بني كلمة كلها لطف كلمة كلها حلم كلمة كلها رفق أترضاه لأمك؟ قال لا يا بني يا أخي أترضاه لأمك؟ يعني أترضى أن يزني الناس بأمك والعياذ بالله؟ قال لا فقال صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم يا بني يا أخي أترضاه لأختك؟ قال لا قال فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم يا بني يا أخي أترضاه لبنتك؟ قال لا قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم ثم وضع يده على صدره ودعا له الرب ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبه وأحسن فرجه يا له من دعاء يا له من دعاء هل خطر على بالك أيها الأخ أن دعوت لأخيك إذا رأيته على المخالفة هل مر بك أيها الأخ أن تسجد لله سبحانه وتعالى لتدعو الله عز وجل فيه أن يعافي أخاك من الوقوع في المعصية فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحد الناس في الصدر الأول من المسلمين مبتلا بشرب الخمر كان مبتلا بشرب الخمر والحديث في البخاري فكان كلما وجده الناس سكرانا أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجلده أو بضربه فيضربونه أو يجلدونه واليوم التالي نفس الشيء يجدون هذا الرجل سكرانا فيأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرهم بضربه أو بجلده ومرة ثالثة ومرة رابعة إلى أن جاءوا بهذا الرجل السكران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه بوجهه فلما رأى أحد الصحابة هذا المنظر نظر إلى هذا الرجل السكران وقال لعنة الله عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان على أخيك ليس هكذا تعينه بل لقد أعنت الشيطان عليه ليش تدعو اللعنة عليه أهكذا ينبغي أن يفعل لا وفي رواية أخرى إنه يحب الله ورسوله إن هذا الرجل المبتلى بشرب الخمر يحب الله ورسوله نعم أنت تراه في المعصية وهو يحب الله ورسوله يقع في المعصية فبذلك استحق العقاب وما يدريك أغواه الشيطان فاتبع هواه وبعد حين قد يتوب إلى الله وقد يستغفر الله فيعافيه الله تبارك وتعالى فلا تكن كهذا لا تعين الشيطان على أخيك ربما يحب الله ورسوله مع ما فيه من المخالفة والمعصية ربما يحتاج فقط إلى توجيه أو إرشاد أو نصيحة لو أتيته بكلام لين هل هو أشد قبحا من فرعون الذي أمر الله تعالى موسى وهارون أن يقولا له قولا لينا فرعون أشد الناس كفرا وأكبر الطواغيت يأمر الله تبارك وتعالى نبييه موسى وهارون عليهما السلام أن يقولا له قولا لينا فهل أنت أحسن من موسى وهارون وهل هذا المخالف أشد قبحا من فرعون فأين تذهبون ليس هذا خلقا حسنا فاتقوا الله يا عباد الله اتقوا الله حيثما كنتم وأتبعوا السيئة الحسنة تمحها وإن كنتم صادقين في توبتكم يبدل الله هذه السيئات فيجعلها حسنات وأخيرا تخلقوا بأحسن الأخلاق اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام وبأسلافنا الصالحين فهكذا كانوا نجوما يستضاء به أو يستضيء به التافه هكذا كانوا آية في الحلم وآية في العلم قبل أن يكونوا كما اشتهر عند الكثير أشداء مع أهل البدع Mes frères, la fin du hadith. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, et comporte-toi avec les gens de la meilleure façon. Comporte-toi avec les gens de la meilleure façon. Qu'est-ce que le bon comportement, mes frères? Le bon comportement, wallahi, on crie de douleur. Lorsqu'on voit l'état de la plupart des musulmans, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. On crie de douleur lorsqu'on voit le comportement que les musulmans ont avec les gens en général et entre eux. Où est passé le bon comportement? Où est passée la compassion, la tendresse et la clémence? Le bon comportement, mon frère, les pieux prédécesseurs que toi et moi cherchons à suivre. Salakallahu bi wa bikum sabilahum. Les plus prédécesseurs nous ont défini qu'est-ce qu'était le bon comportement. Mais avant ça, mes frères, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez tous, a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous le meilleur exemple. Allah dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ. Il y a certes pour vous dans le messager d'Allah un bon modèle, un bon exemple. Pour qui? Pour celui qui espère en Allah et au jour dernier qui évoque Allah beaucoup. Et Allah Ta'ala, il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant doté d'un comportement magnifique. magnifique, du meilleur qui soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui nous a enseigné que la douceur, lorsqu'elle se trouve dans une chose, elle l'embellit. Et que la méchanceté et la dureté, lorsqu'elle se trouve dans une chose, elle l'enlaidisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, comme il a dit à Aïcha radiallahu anha, ou Aïcha, la douceur, Allah Ta'ala donne avec la douceur ce qu'il ne donne pas avec la méchanceté. Et nous, malheureusement, on voit aujourd'hui les gens, on dirait ils se prennent les uns et les autres comme ennemis. On dirait il n'y a plus cette fraternité qu'il y a entre nous, celle qu'Allah a décrite dans le Coran en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui l'accompagnent comme étant durs envers leurs ennemis et miséricordieux les uns envers les autres. Où est cette miséricorde, mes frères? Où est cette miséricorde, mes sœurs? Les deux prédécesseurs, rahimahumullah, ont décrit et caractérisé le bon comportement comme étant trois choses. Donner généreusement tout ce qu'on a comme bien. Et priver, écarter les gens de tout ce qu'on a comme mal. Et avoir un visage radieux. Donner tout ce qu'on a comme bien, mes frères. Et comme les savants ils nous disent, chaque personne se connaît. Chaque personne est le meilleur juge de soi-même. Les savants ils disent qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui connaît sa valeur. Tu sais comment tu es. Tu sais ce que tu as de bien et tu sais ce que tu as de mauvais. Tout ce que tu as de bien et tout ce que tu peux faire profiter aux gens comme bien que tu as en toi, donne-le sans compter. Ne réfléchis pas, sois généreux et donne abondamment. Tu peux aider tes frères, tu peux aider tes sœurs. Avec une parole, fais-le. Avec un mouvement, fais-le. Avec un accompagnement, fais-le. Avec un bien quelconque que tu puisses donner, donne-le. Allah ne dit-il pas, fattakullaha mastata'atum. Craignez Allah comme vous le pouvez. Et le mal que tu as en toi, épargne les gens de ton mal. Épargne les gens de ton mal. Et mes frères, wallahi, permettez-moi d'insister. Que des fois, le plus grand mal qu'on fait, les frères, si vous pouvez vous avancer un peu, barakallahu fikoum, il y a des frères qui sont dehors. Permettez-moi d'insister. Que un des plus grands maux qui puisse arriver de nos personnes envers les autres sont ceux qu'on fait avec ça. Sont ceux qu'on fait avec ce morceau de chair qui se trouve entre nos dents et nos lèvres. La langue. La langue, celle que Abu Bakr radiallahu anhu prenait entre ses doigts et disait, celle-ci me fait courir à ma perte. Abu Bakr radiallahu anhu, il prenait sa langue entre ses mains et disait, celle-ci me fait courir à ma perte. Abu Bakr radiallahu anhu qui mettait une pierre dans sa bouche avant de parler, afin de réfléchir à ce qu'il allait dire. Il prend sa langue dans sa bouche, dans ses doigts et il dit, celle-ci va me faire courir à ma perte. Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? On doit remplir nos bouches de pierre et ne jamais plus parler. Tellement on dit du mal et des bêtises avec nos langues. Le prophète a recommandé à Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, il lui a dit, retiens ta langue. Retiens ta langue. Alors Mu'adh radiallahu anhu demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, serons-nous punis pour ce que nous disons? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sévère dans la réponse pour comprendre, pour qu'il fasse comprendre à Mu'adh l'importance de la chose et la gravité de la chose. Que ta mère te perde, ô Mu'adh. Et qu'est-ce qui fait plonger les gens en enfer sur leur visage, si ce n'est la récolte de leur langue? Si ce n'est la récolte des mots qui sortent de leur bouche? Allah ne dit-il pas dans le Coran, ô vous qui croyez, craignez Allah et dites des paroles droites. Dites des paroles droites. Ilayhi yurfa'u, ilayhi yas'adul kalimut tayyib. Vers lui s'élève la bonne parole. Ça veut dire quoi la mauvaise parole? Elle ne s'élève pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, une personne peut dire une parole sans y prêter attention, elle le fait plonger en enfer 70 automnes. 70 ans, tu dis une parole sans y prêter attention. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de ces paroles qu'on a préméditées, de ces paroles qu'on a cherchées et qu'on a dit pour faire mal aux autres? Fais attention à ce qui sort de ta bouche, mon frère, quand tu parles avec les gens. Allah dit dans le Coran, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et dites du bien aux gens. Dites du bien aux gens. Le prophète dit dans le hadith, عليه الصلاة والسلام, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا بِاللَّعَانِ وَلَا بِالْفَاحِشِ وَلَا بِالْبَذِي. Le croyant n'est pas dévergondé dans ses paroles. Et il n'est pas maudit, il ne fait pas de malédiction. Et il ne fait pas de tort avec les gens, avec ce qu'il dit. Et il n'emploie pas des paroles grossières. Le croyant, il est comme ça. Il fait attention à ce qu'il dit. Ce qu'il peut dire comme bien, il le dit. Lis le Coran, fais du dhikr, passe le salam à tes frères. Dis-leur des paroles qui les réjouiront. Et tout ce qui peut sortir de ta bouche comme mal, garde-le. Avale-le au plus profond de ton estomac. Ne le sors pas. Et enfin, khaliqin wa talaqatul wajh. Avoir un visage radieux. Avoir un visage radieux. Avoir un visage resplendissant. Avoir un visage souriant. Avoir un visage qui donne aux gens envie de venir vers toi. N'aie pas un visage renfrogné. N'aie pas toujours les sourcils qui vont arriver presque à tes narines. Ne sois pas toujours en colère. Ne donne pas aux gens envie de fuir lorsqu'ils te voient. Sache, mon frère, que les plus prédécesseurs que toi et moi essayons de suivre, qu'Allah nous permette de suivre leur chemin. Comme les savants, ils les définissent, ils disent, c'était les gens qui connaissaient le plus la vérité et qui étaient le plus miséricordieux envers les gens. Alors, mon frère, je te pose la question, où est ta science de la vérité? Les salafs, leur vie, c'était de la science et de l'adoration et du bon comportement. Où est ta science, mon frère? Où est ton adoration, mon frère? Où est ton bon comportement, mon frère? Alors, quand tu ne trouves pas ces choses-là en toi, dis-moi en quoi tu ressembles aux prédécesseurs. Dans leur rudeur avec les gens de l'innovation. Ce n'est pas que ça, les salafs, mes frères. À l'époque, le haqq, il était zahir. Maintenant, on vit avec des gens. Le seul livre qu'ils ont lu, c'est le Coran. Ils connaissent pas le Bukhari. Ils connaissent pas Muslim. Et s'ils le connaissent, ils l'ont jamais lu. Et toi, t'en vois un. Il fait une chose que tu sais que c'est une mauvaise chose. Et tu vas le considérer comme Al-Karabisi. Comme l'imam Ahmed l'a fait avec le Karab ici. Là. Là, wallah. Ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Tu ne peux pas réagir ainsi. Tu te trompes. Ce n'est pas comme ça que le prophète, il aurait fait, alayhi salatu wassalam. Le prophète, qu'est-ce qu'il faisait avec les gens qui désobéissaient à Allah? Est-ce qu'il les rejetait? Est-ce qu'il les frappait? Est-ce qu'il les insultait? Non. Non. Tu veux des exemples? Il y a un homme qui rentre dans la mosquée, tu connais ce hadith, mon frère. Et il se met à uriner dans la mosquée devant tout le monde. Alors les sahaba, radiyallahu anhum, ils se lèvent et courent vers lui pour l'arrêter. Le prophète dit, arrêtez-les, laissez-le finir. T'aurais dit quoi, toi? Attrapez-le, ligotez-le, frappez-le, jetez-le. J'en passe des pires, pour ne pas dire des meilleurs. Il a dit, viens, quand il a fini, il a dit, cet endroit est un endroit dans lequel on adore Allah, subhanahu wa ta'ala, et on fait la prière et on lit le Coran. Il ne convient pas à ce qu'il soit perverti par ses insalubrités. Et il y a un homme qui est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, ya Rasulallah, donne-moi la permission de forniquer. Alors, sahaba kadhalik, le sang, il a fait un tour dans leur corps. Ils se sont levés, ils voulaient attraper le prophète. Il a fait, non, laissez-le. Viens, assieds-toi. Mon fils, mon frère, est-ce que tu aimerais qu'on fornique avec ta mère? L'homme, il a dit, non, je n'aimerais pas. Pourquoi tu dis, les hommes, les gens, c'est pareil. Ils ne veulent pas qu'on fornique avec leur mère. Mon fils, mon frère, est-ce que tu aimerais qu'on fornique avec ta sœur? Il a dit, non, je n'aimerais pas qu'on fasse cela. Et le prophète, il répond, les gens, c'est pareil. Ils ne veulent pas qu'on fornique avec leur sœur. Est-ce que tu aimerais qu'on fornique? avec ta fille. Ça dit non, je n'aimerais pas cela. Et bien les gens c'est pareil, ils ne veulent pas qu'on fornique avec leur fille. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé sa main sur sa poitrine, la poitrine de ce jeune homme, et il a dit: Ya Allah, purifie son cœur et préserve et rends-le chaste. Ya Allah, purifie son cœur et rends-le chaste. Cet homme-là, lorsqu'il est parti, il a dit: quand je suis venu, je voulais faire la fornication, et quand je suis parti, il n'y a pas une chose que je détestais plus que la fornication. Et un autre qui vit à l'époque des compagnons et qui vit à Médine et qui est éprouvé par l'alcool, il n'arrive pas à s'arrêter. Chaque fois que les gens le voient, il est saoul. Alors ils le prennent, ils le ramènent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète il leur dit: frappez-le ou bien corrigez-le. Alors les sahaba ils le corrigent et ils le laissent partir. Le lendemain ils le retrouvent encore saoul. Alors il le ramène au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète il dit: corrigez-le. Alors il le corrige, et le lendemain pareil, et le lendemain c'est pareil, jusqu'à un jour où il ramène cette même personne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle était saoule. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il détourne son visage de lui, il ne veut pas le regarder une fois de plus, alors qu'il a encore désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Les sahaba radiyallahu anhum, ils ne supportent pas de voir le prophète ainsi sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y en a un qui a regardé ce soulard, il a dit: qu'Allah te maudisse. Le prophète il se retourne, il dit: non, n'aide pas Shaitan contre ton frère, n'aide pas Shaitan contre ton frère. Si tu demandes à Allah de maudire ton frère alors qu'il lui désobéit, tu ne l'as pas aidé, tu as aidé son Shaitan contre lui, tu n'as rien fait pour lui. Et dans le verset du hadith, le prophète il dit alayhi salatu wa salam: wallahi innahu yuhibbullah wa rasoulah. Par Allah, ce soulard que tu viens de maudire, wallah, il aime Allah et son messager. Wallah, il aime Allah et son messager. Est-ce que toi, quand tu vois les gens désobéir à Allah Ta'ala, tu penses à lever tes mains et demander à Ya Allah, guide-les. Ya Allah, donne-leur la réussite pour revenir vers le khayr. Est-ce que quand tu vois ton frère désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais rak'atayn dans lesquelles tu demandes en prosternation à Allah de guider ton frère vers le droit chemin? Ou bien directement tu te dis: c'est un moubtadi', c'est un innovateur, alors je ne lui parle plus et je le regarde de travers et je lui passe plus le salam et je lui souris pas? Non, c'est pas comme ça que salaf faisait. C'est pas comme ça, mes frères, que salaf faisait. C'est pas comme ça que le prophète nous a enseigné alayhi salatu wassalam. Non. Où est ton visage radieux? Où est ton visage resplendissant? Où est ton visage souriant? Le prophète il dit alayhi salatu wassalam: et ton sourire dans le visage de ton frère est une aumône. Est-ce que tu es à l'abri? Est-ce que tu n'as pas besoin de hasanat pour le jour du jugement? Tu peux les gagner facilement en souriant à ton frère. Tu le vois dans la mosquée, assalamu alaykum, et tu lui souris. Tu le vois dans la rue, assalamu alaykum, et tu lui souris. Où que tu trouves tes frères et tes sœurs, les sœurs entre elles, les frères entre eux, tu leur passes le salam et tu leur souris. Où sont les musulmans qui suivent les salafs dans ces choses-là? Est-ce que les salafs c'était que des gens durs et rudes envers les mubtadi'a? C'était les gens qui connaissaient le plus le haq, où elle est ta science? C'était les gens qui étaient le plus miséricordieux envers les gens, où elle est ta miséricorde? Et les gens surtout qui savaient juger les gens en fonction de leur état. Ils savaient juger les gens en fonction de leur état. Et ils n'appliquaient pas ce genre de jugement sur les personnes directement. Il y a des étapes à suivre, est-ce que tu les as suivis? Mon frère, tu n'as pas un bon comportement. Mon frère, tu n'as pas suivi les salafs. Ceux à qui tu t'apparentes, ceux à qui tu t'affilies, sont loin, loin de toi. Les salafs étaient des exemples dans la piété, dans l'adoration, dans la recherche de la science et dans la mise en garde avec les gens. Qu'est-ce que tu es, toi? Quand les gens te voient, ils veulent partir. Quand les gens te voient, ils veulent fuir. Tu n'aimerais pas être une cause pour que les gens reviennent vers Allah? Tu n'aimerais pas être une cause pour que les gens se remettent à suivre la sunna? وَلَا أَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ. Et que tu sois la guidée, la cause de la guidée d'une seule personne est meilleure pour toi que les chamelles rousses. Tu n'aimerais pas être ceci? مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ تَبِعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. Celui qui appelle vers une guidée, il aura sa récompense et celle de ceux qui l'ont suivi sans que ça réduise la récompense en rien. Alors mon frère, souviens-toi ce que comporte ce hadith. Crains Allah où que tu te trouves. Mets entre toi et son châtiment une protection. Une protection en obéissant à Allah Ta'ala et en t'écartant de ce qu'il t'a interdit. Et lorsque tu fais un péché, Repends-toi à Allah et implore son pardon et fais-la suivre par une bonne action. Et enfin, arme-toi et orne-toi d'un bon comportement. Un bon comportement avec les gens, avec ceux qui ont un droit sur toi parmi les musulmans. Et Inch'Allah, tu auras la récompense éternelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعفوا على الإطالة